solfège. En cours de musique, ça faisait chier. Un peu comme la grammaire, puis la gerbe en français. J'ai foncé, au fond, à écrire pêle-mêle. Mes profs me prenaient pour un élève modèle. J'ai voulu me lancer dans genre pas pour la raconter. De toute façon, vu la face que j'ai, c'est grillé d'entrée. Je m'en tape, le son se véhicule pas par la vue. Mon rap, je l'articule et dis, je crois que c'est pour la vie. J'ai opté pour le style vrai, dépouillé de tout artifice à dire vrai. C'est comme ça, la vie ne m'a pas appris à rêver. Et le bling bling est un genre qui est à revoir. Je te dis, je referai toute industrie du disque à coup de calibre. Ben quoi, j'aime pas et la France est un pays libre. Pendant que sous certains aspects bien cadenassés, consommateurs ciblés, marketing léché, commence à m'agacer sans m'oppresser. Mon roux et moi sommes pressés, mais habitués à la pression sans stresser. Faut que le CSA nous envoie GIGN, là et non la trop pour qu'on la ferme. C'est pour s'extérioriser, montrer ce qu'on sait faire. J'ai même plus pourquoi je rappe, et toi tu sais frère. Les années ont filé, mais j'ai pas perdu le fil en fiston. Pour s'exprimer, je crois que t'as pas besoin d'une raison. Dans le rap, les gangsters sont des petites frappes. Car dans la rue, c'est sur mes frères que les flics tapent. Eux s'en tapent, amassent en Suisse, paradis fiscal. Quand tu secoues la tête, tu te fais mal au cervical. Tu deviens leur serviteur, asservi par la connerie de leur sermon. Assourdi par leur putain de son, gisant dans une flaque de sang. Tout ça parce que tu voulais ressembler à 50. Faut virer ta 50-50, ça devient chaud. Les squats et les halls, c'est plus frais. Tolérance zéro, contrôle renforcé. Traité comme de la moisissure, frère. Le même genre qui se nettoie au karcher en la matière. Jamais je rendrai mon paxon, jamais je lâcherai mon blason. Toujours prêt à foutre le boxon. J'étais la grande gueule de la classe, et y'a pas de raison que ça change. Sauf que là, c'est moi qui casse et toi qui mange. C'est pour s'extérioriser, montrer ce qu'on sait faire. J'ai même plus pourquoi je rappe, et toi tu sais, frère. Les années ont filé, mais j'ai pas perdu le fil en fiston. Pour s'exprimer, je crois que t'as pas besoin d'une raison. Moi je rappe depuis 9-2, donc depuis plus longtemps que la plupart des MC du 9-3. C'est pas un phénomène de mode, je suis né en mode hip-hop. Pense hip-hop, hip-hop et même j-hip-hop. Piètre auditoire de nos jours, un exutoire monétaire. C'est plus du rap, c'est des affaires et des histoires de fric. T'inquiète fiston, rapport à un autre, je suis pas plus con. Mais c'est plus qu'une passion pour que j'y vois un simple filon. En fil de là, avec ta pauvre culture musicale. Je sais d'où tu viens, juste en écoutant ton instrumental. Et les mecs, vous faites du rap en série. J'ai un scoop pour vous, la France ne se limite pas qu'à Paris. Désolé si je semble un rien aigri, mais cet art que j'affectionne, vous me l'avez pourri. À part quelques puristes, soyez la cible de mon micro. 26200, ici c'est le psycho. Pour s'extérioriser, montrer ce qu'on sait faire. J'ai même plus pourquoi je rappe, et toi tu sais frère. Les années ont filé, mais j'ai pas perdu le fil en fiston. Pour s'exprimer, je crois que t'as pas besoin d'une raison. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, espèce de fils de. Notre soin est pas sali par le bis. Ici y'a que des puristes qui persistent. Et pas pour ça jeter le dernier humeur. Et je peux t'assurer que ce qu'ils font sort du fond du cœur. Nous on fait du rap avec nos tripes et on invente rien dans nos textes. On fait ce qu'on aime et on s'en fout du reste. T'impressionnes personne car tu dis que t'es le best. Laisse mon crew et moi au mic, on finira terrestre. On fait du son avec nos tripes et on invente rien dans nos textes. On fait ce qu'on aime et on s'en fout du reste. T'impressionnes personne car tu dis que t'es le best. Laisse mon crew et moi au mic, on finira terrestre. Mystical Psych. Toujours un doigt sur la gâchette. Activiste au mic. Laisse, c'est plus du business. C'est une histoire de famille. Agent 47. Tu sais, c'est pour m'extérioriser et montrer ce que je sais faire. Yo, et toi tu le sais frère.